Les gloires de Marie. Paraphrase du Salve Regina. Première partie. Markemdanarchive.org 2023. D'après Books Google FR et livremystique.com. Licence Creative Commons. Pas d'usage commercial. Partage à l'identique. Introduction qu'il est nécessaire de lire. Mon cher lecteur, et mon frère en Marie, puisque la dévotion qui m'a porté à écrire et qui vous porte maintenant à lire ce livre, nous rend tous les deux heureux enfants de cette bonne mère. Si vous entendez dire que je pouvais m'épargner ce travail, vu qu'il existe déjà tant d'ouvrages savants et renommés sur le même sujet, répondez, je vous prie, par les paroles de l'abbé Francon, dans la bibliothèque des Pères. La louange de Marie est une source tellement abondante, que, plus on la dilate, plus elle se remplit, et plus on la remplit, plus elle se dilate. En d'autres termes, cette bienheureuse Vierge est si grande et si sublime, que, plus on célèbre ses louanges, plus on trouve de nouveaux sujets de la louer. Et selon la pensée de saint Augustin, quand même tous les membres des hommes se changeraient en autant de langues, ces langues, si nombreuses fussent-elles, ne sauraient la louer autant qu'elles le méritent. J'ai vu, il est vrai, une quantité innombrable de livres, grands et petits, qui traitent des gloires de Marie, mais, considérant qu'ils sont ou fort rares ou trop volumineux ou peu conformes à mon dessein, j'ai pris à tâche d'extraire de tous les auteurs que j'ai pu avoir en main, et d'exposer brièvement, comme on le verra dans cet ouvrage, ce qu'il y a de plus exquis et de plus substantiel dans les sentiments des pères et des théologiens. Mon désir a été que les personnes pieuses puissent avoir à peu de frais un livre d'un usage facile et propre à leur inspirer un ardent amour envers Marie, et les prêtres des matériaux pour des prédications tendant à favoriser le progrès du culte de cette divine mère. On est naturellement porté à parler souvent et à faire l'éloge des personnes qu'on aime, afin de voir l'objet de ses affections estimées et louées aussi des autres. Il faut donc supposer bien faible l'amour de ceux qui, tout en se glorifiant d'aimer Marie, pensent peu à parler d'elle et à la faire aimer des autres. Bien différente est la conduite de ceux qui aiment véritablement cette très aimable dame. Ils voudraient publier ses louanges en tout lieu et la voir aimée de tout le monde, aussi, chaque fois qu'ils le peuvent, soit en public, soit en particulier, ils tâchent de communiquer à tous les cœurs les heureuses flammes dont ils se sentent embrasés envers leur bien-aimée reine. Pour se persuader du bien qu'on se fait à soi-même, et qu'on procure au peuple, en propageant la dévotion envers Marie, il est bon d'entendre ce qu'en disent les docteurs. Selon saint Bonaventure, ceux qui s'emploient à publier les gloires de Marie sont assurés du paradis, ce que confirme Richard de Saint-Laurent, en disant qu'honorer la reine des anges est la même chose que faire l'acquisition de la vie éternelle. Car, ajoute-t-il, cette dame pleine de gratitude ne manquera pas d'honorer dans l'autre vie ceux qui ont soin de l'honorer dans celle-ci. Et qui d'ailleurs ignore cette promesse de Marie elle-même à ceux qui s'attachent à la faire connaître et aimer sur la terre, ceux qui me font connaître, auront la vie éternelle. Ecclésiastique 24, 31. Ces paroles, la Sainte Église les applique à Marie dans l'office de son Immaculée Conception. Réjouis-toi donc, mon âme, s'écriait saint Bonaventure, qui a déployé tant de zèle à publier les grandeurs de Marie, tressaille de joie en elle, car des biens sans nombre sont réservés à ceux qui la glorifient. Et puisque les saintes Écritures, ajoute un autre auteur, sont remplies des louanges de Marie, ne cessons pas de célébrer de cœur et de bouche cette divine mère, afin qu'un jour elle nous conduise au royaume des bienheureux. Le bienheureux Heming, évêque, avait coutume de commencer ses sermons par les louanges de Marie. La Sainte Vierge apparut un jour à Sainte Brigitte, et lui parla ainsi, dit à ce prélat, qui a coutume de commencer ses sermons par mes louanges, que je veux lui servir de mère, que je présenterai son âme à Dieu, et qu'il fera une bonne mort en effet. Il mourut saintement, en priant, et dans une paix céleste. On rapporte aussi d'un religieux dominicain, qui terminait ses sermons en parlant de Marie, qu'elle lui apparut au moment de sa mort, le défendit contre les démons, le fortifia, et conduisit elle-même dans le ciel son âme bienheureuse. Le dévot Thomas à Kempis représente Marie recommandant à son divin fils ceux qui publient ses louanges. Elle a fait ainsi parler, « Ô mon fils, ayez pitié d'une âme qui m'a aimé et glorifié. » Pour ce qui concerne l'utilité que retire le peuple de la prédication des gloires de la Divine Mère, saint Anselme affirme que, l'Auguste Saint de Marie étant la voie par laquelle le Fils de Dieu est venu ici-bas sauver les pécheurs, il ne peut se faire que la prédication des louanges de Marie n'amène les pécheurs à se convertir et à se sauver. Et s'il est vrai, comme je le pense, s'il est même indubitable, comme je le prouverai au chapitre 5 de cet ouvrage, que toutes les grâces nous sont dispensées uniquement par les mains de Marie, et que tous ceux qui se sauvent, ne sont sauvés que par l'entremise de cette divine mère, on peut dire, par une conséquence nécessaire, que le salut de tous les hommes est attaché à la prédication des grandeurs de Marie, et de la confiance en son intercession. Et c'est par ce moyen, on le sait, que saint Bernardin de Sienne sanctifia l'Italie, et que saint Dominique convertit tant de provinces. Saint Louis Bertrand ne prêchait jamais sans exhorter à la dévotion envers Marie, et il en est de même de beaucoup d'autres. Le père Paul Seigneury le Jeune, célèbre missionnaire, faisait dans toutes ses missions un sermon sur la dévotion à Marie, et il l'appelait son sermon favori. Et nous qui, dans nos missions, avons pour règle invariable de ne jamais omettre le sermon sur la Sainte Vierge, nous pouvons attester en toute vérité qu'aucun discours, pour l'ordinaire, n'excite autant la componction, et ne produit autant de fruits, que le sermon sur la miséricorde de Marie. Je dis, sur la miséricorde de Marie, car, selon saint Bernard, nous louons, il est vrai, son humilité, nous admirons sa virginité, mais, parce que nous sommes de pauvres pécheurs, ce qui nous touche et nous attire davantage, c'est d'entendre parler de sa miséricorde, et certes, c'est sa miséricorde que nous embrassons le plus affectueusement, que nous nous rappelons le plus souvent, et que nous invoquons le plus fréquemment. Voilà pourquoi, dans cet ouvrage, laissant à d'autres le soin de décrire les autres prérogatives de Marie, je me suis principalement attaché à parler de sa grande miséricorde et de sa puissante intercession. Dans ce dessein, j'ai recueilli, autant qu'il m'a été possible par un travail de plusieurs années, tout ce que les saints pères et les auteurs les plus célèbres ont dit de la miséricorde et de la puissance de Marie, et comme cette miséricorde et cette puissance de la bienheureuse Vierge se trouvent merveilleusement caractérisées dans la magnifique Antienne Salve Regina, que l'Église a elle-même approuvé et donné à réciter pendant la majeure partie de l'année à tout le clergé, régulier et séculier, j'ai entrepris, en premier lieu, d'expliquer cette dévote prière dans une suite de chapitres. Après cela, j'ai cru faire chose agréable aux fidèles serviteurs de Marie, en leur offrant des lectures ou discours sur les fêtes principales et sur les vertus de cette divine mère, et en exposant les pratiques de dévotion les plus usitées et les plus approuvées par l'Église. Pieux lecteur, si vous agréez mon travail, comme je l'espère, je vous prie de me recommander à la Sainte Vierge, afin qu'elle me donne une grande confiance en sa protection, et si vous me faites la charité de demander pour moi cette grâce, qui que vous soyez, je vous promets de la demander aussi pour vous. Ô heureux celui qui s'attache fortement, par l'amour et la confiance, à ces deux ancres de salut, Jésus et Marie certainement, il ne périra point. Disons donc, mon cher lecteur, et répétons l'un et l'autre du fond de notre cœur avec le dévot Alphonse Rodriguez, Jésus et Marie, doux objets de mes amours que je souffre pour vous, que je meurs pour vous, que je sois tout à vous, et plus aucunement à moi-même. Aimons Jésus et Marie, et tâchons de nous sanctifier. C'est la plus grande fortune à laquelle nous puissions aspirer. Adieu, au revoir dans le paradis, au pied de cette tendre mère et de ce fils si aimant, pour les louer, les remercier, et les aimer ensemble, en jouissant de leur douce présence pendant toute l'éternité. Amen. Prière à la bienheureuse Vierge pour obtenir une bonne mort. Ô Marie, doux refuge des malheureux pécheurs, quand mon âme devra sortir de ce monde, je vous en supplie, ma très douce mère, par la douleur que vous ressentîtes en voyant votre fils qui se mourrait sur la croix, assistez-moi alors de votre miséricorde. Éloignez de moi les ennemis infernaux, et venez vous-même recueillir mon âme, pour la présenter au juge éternel. Ma souveraine, ne m'abandonnez pas. Vous devez être, après Jésus, mon appui dans ce moment redoutable. Priez votre fils de m'accorder dans sa bonté la faveur de mourir en embrassant vos pieds, et d'exhaler mon âme dans ses saintes plaies, en disant, Jésus et Marie, je vous donne mon cœur et mon âme.